طيب اليوم سنكمل هذه السلسلة on va compléter cette série d'audio par les deux dernières questions de ce livre. قال في السؤال الرابع والعشرين بعد المئتين 224e question. سورة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم السلام على المسلم بهذه الصيغة السلام على من اتبع الهدى. Donc il a dit, il était interrogé, qu'en est-il de passer le salam à un musulman en disant que la paix soit sur ceux qui suivent la guidée. السلام على من اتبع الهدى. فأجاب رحمه الله تعالى. Il a répondu. لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقول السلام على من اتبع الهدى. لأن هذه صيغة إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين وأخوكم المسلم قل له السلام عليكم. Donc il a dit il n'est pas permis de saluer le muslim, c'est-à-dire au muslim de saluer le muslim, par cette façon de faire en disant que la paix soit sur ceux qui ont suivi la guidée. Car c'est de cette façon-là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écrivait aux muslimines, il commençait par cela. Et le muslim est le frère du muslim. Et le muslim est le frère du muslim. Donc, contrairement à ce qu'on avait dit dans la fatwa précédente, si jamais demain, tu écrit par exemple un appel de da'wah à des koufars, alors tu peux commencer par cette formule-là. As-salam alam taba al-huda. Et c'est également cette formule qu'a employé Moussa avec Pharaon. D'accord ? Donc celle-ci, elle est khosse pour les koufars. Mais tu ne le dis pas à chaque fois que tu rencontres dans la rue as-salam alam taba al-huda wa kadala. Ça, c'est pas la sunna. La sunna, c'est que le Nabi sallam l'a employé à des moments particuliers pour des personnes particulières. Comme des gens importants à qui tu écris et à qui tu fais da'wah, par exemple. Naam. Amma an taqul as-salam ala man ittaba al-huda, fa muqtada hadha an akhaka hadha laysa bimman ittaba al-huda. Car le fait de dire cela à ton frère, c'est comme si tu insinuais qu'il n'avait pas suivi la guidée. Donc cela, c'est pour les kuffars seulement. Wa idha kanu muslimin wa nasara, fa innahu yusallamu alayhim bis-salam al-muhtad, yaqulu as-salamu alaykum, yaqsid bidhalika al-muslimin. Et si maintenant ils sont réunis entre eux, il y a des musulmans et des nasara, alors lui dit assalamu alaikum et il vise par cela dans son cœur les musulmans. Il vise par cela dans son cœur les musulmans. Thumma akhir su'al al-khamis wa 20 ba'd al-mi'atayn. 225e question. Sula shaykhu hukm as-salam bayna an-nisa wa ar-rijal. Qu'en est-il de se passer le salam entre hommes et femmes? فأجاب رحمه الله تعالى الرجل لا يسلم على المرأة والمرأة لا تسلم على الرجل لأن هذا فتنة اللهم إلا عند مكالمة هاتفية فتسلم المرأة أو الرجل بقدر الحاجة فقط. Donc il a dit l'homme ne passe pas le salam à la femme ni la femme à l'homme car cela est une porte de tentation sauf si par exemple cela serait au téléphone par exemple, alors à ce moment-là il se salue selon la limite du besoin. فقط. أو إذا كانت المرأة من معارفه مثل أن يدخل بيته فيجد فيه امرأة يعرفها وتعرفه يسلم فهذا لا بأس. Il a dit sauf par contre c'est une personne qu'il connaît. Par exemple, il rentre chez lui, il y a une femme qui présente, une amie de sa femme ou de sa mère ou de ses proches, bien sûr, sans mixité, mais il la trouve chez elle, chez lui plutôt. Alors à ce moment-là, ils peuvent se passer le salam. أما أن يسلم على مرأة لقيته في السوق فهذا من أعظم الفتنة فلا يسلم. Il a dit quand au fait de passer le salam à une femme étrangère par exemple dans les yeux de commerce ou autre, cela ne faut pas le faire car cela est parmi les plus grandes tentations. Et ce qu'on l'a كذلك les marjour. Cette parole là également ne concorde pas aux preuves car il y a des hadiths même dans le Sahih Bukhari qui montre qu'il est permis à l'homme de saluer à la femme si, à condition qu'il n'y ait pas de fitna. Et les sahaba, le vendredi, passaient chez une vieille dame qui leur préparait à manger et lui passaient le salam. Et autres. Donc en réalité, le salam entre l'homme et la femme, il est permis si il n'y a pas de fitna qui en découle. Donc le meilleur, c'est de l'éviter pour ne pas ouvrir des portes ou se faire suspecter ou autre. Mais si par exemple demain une femme te passe le salam, tu lui rends le salam. On ne peut pas dire que cela est haram. Il n'y a aucun délit qui l'interdit clairement. D'accord? C'est juste par précaution pour fermer les portes. Donc là également, l'avis du Shir sur cette masse alala, il est marjour. C'est l'avis qui n'est pas le plus fort. Naam. فَهَذَا الَّذِي أَخَذْنَا مِنَ الدُّرُوسِ وَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَ وَجَلَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَا قُلْنَا وَمَا سَمِعْنَا وَمَا قَرَأْنَا وفين أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان فسبحانك وبحمدك لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك.